série, bienvenue dans Sérivore. Maintenant, choisissez votre camp. Devenir un Cereal Lover ou un Cereal Eaters. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler d'une série plutôt ancienne, après avoir parlé dans les derniers Sérivores de séries plutôt récentes. Et là, on va aller faire un petit tour dans les années 70 avec Les Robinsons Suisses, et qui est une série télé canadienne en 26 épisodes de 25 minutes, réalisée par Peter Carter. La série s'inspire du roman Le Robinson Suisse du pasteur suisse Johann David Wyss et qui a été écrit en 1812. Et d'ailleurs, Le Robinson Suisse, c'est le titre sous lequel est sortie la série en France au début. Tu peux nous parler un petit peu de cette série ? Tout à fait. Alors, comme tu le disais, c'est une série des années 70 et elle a été diffusée entre 74 et 75. Et on peut classer cette série comme une série d'aventures familiales. Et elle est composée d'une saison, donc 26 épisodes de 25 minutes, donc petit format. Donc, l'histoire, après un violent orage, une famille suisse s'échoue sur une île tropicale déserte, ne pouvant compter que sur eux-mêmes et sur le talent de chacun, les parents, Johan et Elisabeth, leurs deux fils adolescents Ernst et Franz, et leur petite fille Marie, vont s'efforcer de construire une vie dans cet environnement hostile, éloigné de la civilisation, avec tout un tas d'aventures, avec des animaux, avec les éléments, avec des intrus. Et puis, bah voilà, c'est l'image un petit peu idyllique et paradisiaque d'une île. Hein. C'est pas Koh-Lanta, si pour le décor, mais pas pour la version. On verra que c'est des gens qui sont très ingénieux et qui arrivent à se débrouiller. Donc, comment fait Koh-Lanta pour pas se débrouiller quand même ? Je crois que tu nous as trouvé le générique de la série. Les héros principaux et les acteurs qui les interprètent. Alors là, ça va être assez simple, contrairement à des fois où on a un casting assez exponentiel. Assez étendu. Voilà, là, c'est bien la famille Robinson, avec Chris Wiggins qui va jouer Johan Robinson, Diane Leblanc, une Canadienne, qui joue Elisabeth Robinson, Michael Duing qui joue Ernst Robinson, Rick O'Neill qui joue Franz Robinson, et Heather Graham 2, qui joue Marie Robinson. Je mets une petite anecdote. C'est pas Heather Graham qu'on connaît, qu'on a vu dans Austin Powers, entre autres. Non, là, c'est une autre actrice. Et comme on le verra, avec une autre activité plus tard. Et puis, comme je disais tout à l'heure, Diana Leblanc, qui joue Elisabeth Robinson, est canadienne. Et c'est elle-même qui doublait son personnage dans la série française. D'accord. Des anecdotes autour de la série, bah, y en a quelques-unes quand même. Tout d'abord, la famille Robinson Suisse n'est pas inspirée d'une histoire vraie. Ce roman a été écrit, comme tu l'as dit, par Johann David Wyss, comme une adaptation pour un public familial du roman Robinson Crusoe de Daniel Defoe, publié en 1719. Le personnage de Robinson Crusoe s'inspire du naufrage d'Alexander Selkirk. La série est adaptée, comme je disais tout à l'heure, d'un roman, le Robinson Suisse, Der Schweizerische Robinson, écrit en 1812 par le pasteur protestant suisse alémanique, comme tu l'as dit, Johann David Wyss. Le titre choisi par le pasteur est une référence au célèbre Robinson Crusoe, le fameux livre écrit quelques siècles plus tôt par l'anglais Daniel Defoe. À noter, dans le roman Le Robinson Suisse, le patronyme de la famille n'est pas Robinson, mais Zermatt. L'ambition du romancier était de proposer à ses propres enfants une version didactique et morale du thème « Survivons tant bien que mal dans la nature », plus ou moins hostile, et apprenons ce qui fait notre humanité au contact des autochtones et des aléas climatiques. En 1824, Isabelle de Montolieu, une autrice suisse romande, décide alors de réécrire le roman original en supprimant notamment les parties un peu moralisatrices, hein, on avait évolué un petit peu, et ajoute une suite et une fin. Son œuvre a été éditée en 4 tomes sous le titre « Le Robinson suisse » au journal d'un père de famille naufragé avec ses enfants, continué par Madame Isabelle, baronne de Montlieu. Son roman a d'ailleurs été un grand succès de librairie, alors que le premier roman avait été plutôt un succès, disons, local. Et donc, la série a été réalisée par Peter Carter, un réalisateur et producteur britannique, né le 8 décembre 1933 en Angleterre et décédé le 8 juin 1982 à Los Angeles, aux États-Unis. Les scènes de plage ont été filmées en Jamaïque. Celles dans la jungle ont été au Canada, à Killsburg. Pour de nombreuses scènes, on voit leurs enclos en bas de la maison avec les animaux, comme par exemple des lamas, la petite ferme qu'ils ont créée. Et c'est toujours en studio, en Ontario, qu'ont été faits ces éléments. Une seule fois sur les 26 épisodes, quelque part sur la Terre, dans le numéro 17, au début de l'épisode, on voit deux ânes en bas de la maison, en dehors de Jamaïque. Les scènes intérieures de la maison étaient, elles, en studio. Quand on regarde bien la maison du dehors, les nombreux plans où on les voit grimper ou redescendre par la trappe qui fait entrer dans la maison, on ne voit jamais les pièces aménagées car l'intérieur que l'on aperçoit est sombre. Cette maison était en réalité vide. Et ouais, donc la magie du cinéma, comme on peut dire, et des séries. Alors, lors de sa première diffusion en France, le titre de la série, comme je disais tout à l'heure, était « Le Robinson Suisse » et non « Les Robinson Suisses ». Chris Higgins est un acteur britannique qu'on a pu voir aussi dans des films comme « Les Monstres du Labyrinthe » et « King » en 1982 et « Pour le meilleur et pour le rire » d'Arthur Hiller en 1991. Voilà, donc des petits acteurs, mais donc leur gros fait d'armes, enfin le gros fait d'armes de cet acteur est vraiment « Les Robinson Suisses ». Diana Leblanc, alias Madame Robinson, donc comme je disais tout à l'heure, est une actrice canadienne qui en a vu dans une demi-douzaine de films dont le plus célèbre est Le Samaritain en 2012. La petite fille Marie, jouée par Heather Graham Too, est devenue peintre. Voilà, comme je disais tout à l'heure, changement de carrière. Bon, il y a pas mal d'acteurs qui évoluent dans leur carrière, voire même des carrières parallèles, hein, et des grands acteurs, hein, par exemple Johnny Depp, qui joue, qui est aussi musicien. Jim Carrey, effectivement, qui a fait beaucoup de peinture. Qui fait de la peinture, voilà. On a plein de multi-artistes, on pourrait dire. La musique, elle, est composée par Richard LaSalle, un compositeur américain à qui l'on doit les BO de nombreux films et séries TV, comme les séries quand même Perdues dans l'espace, Lost in Space, l'ancienne série bien sûr, Au pays des géants, dont on va parler tout à l'heure, et La cité sous la mer, et bien sûr la série La planète des singes quand même. Donc vous voyez, c'est un vieux routier des séries des années 70-80. Comme beaucoup de feuilletons télévisés étrangers diffusés en France dans les années 60 et 70, on peut citer Cosmos 99, Le Roi Léo, L'Araignée, etc., le doublage était réalisé au Québec par des comédiens québécois. Pour ce feuilleton, c'est le studio Synchro-Québec LTII qui a effectué le doublage. Les voix françaises ne sont pas créditées dans le DVD français de la sortie série en 2008, ni dans le générique français d'origine. La série a été diffusée à partir du 14 septembre 1977 en France sur TF1 dans l'émission très célèbre à l'époque qui s'appelait Les Visiteurs du Mercredi sous le titre, comme j'ai dit tout à l'heure, du Robinson Suisse. Donc c'est vraiment une vieille série qu'on a pu voir les générations de cette époque et c'était vraiment une série familiale comme tu l'as cité tout à l'heure et donc on pouvait le mercredi qui était le jour des enfants et bien on allait voir les Robinson Suisses et puis souvent on allait jouer après à faire une cabane dans les arbres ou dans les forêts pour jouer aux Robinson Suisses. La liste des épisodes reprend les titres tels qu'ils figurent dans l'intégrale de la série sortie en DVD en 2008 et le coffret de 5 DVD, Audition Fremantle et Universal de 2008, comporte un classement différent. Cette chronologie ne respecte pas celle qui est donnée dans la série par le narrateur. On note d'ailleurs que les épisodes Un enfant dans la... On note d'ailleurs que les épisodes Un enfant de la nature et Retour au paradis sont censés se dérouler le même jour du 28 mars 1801, ce qui n'est pas possible au vu de l'intrigue qui s'écoule sur plusieurs jours. On retrouve cette même anomalie chronologique avec les épisodes L'idole maléfique et L'attaque du chat, censés également se dérouler le même jour du 11 septembre 1801. Vous voyez, donc des petits pains, bon, mais à noter quand même. Dans la version DVD des éditions d'Universal, les épisodes apparaissent de la manière suivante. Le titre de l'épisode est suivi de la date du journal de Johann Robinson donnée dans chaque épisode en voix off. Donc, ce qui explique... que tout de suite, quelqu'un qui était attentif pouvait voir l'erreur que tu avais signalée. Ce feuilleton, comme on appelait les séries à l'époque, a laissé de très bons souvenirs aux téléspectateurs, bien qu'il n'ait été diffusé qu'une seule fois sur les chaînes hertziennes de l'époque. Il faut attendre les années 90 pour revoir la série sur les chaînes du câble et du satellite. Et maintenant, on peut la trouver sur YouTube ou Lina, enfin, sur tout un tas de plateformes. Donc, ce qui est intéressant, et c'est une série justement qu'on peut regarder avec des enfants. C'est pas violent. Et ça permet de s'évader un petit peu et puis de voir un petit peu ce qu'était un petit peu l'ambiance de ces années 70 avec un petit peu cette fraîcheur. Bon, les effets spéciaux, c'est un petit peu moins chiadé qu'on pourrait dire que maintenant, mais bon, c'est sympathique à regarder. L'année suivante fut produite une version américaine de cette série portant le même titre, The Swiss Family Robinson, et qui a été elle aussi diffusée en France la même année sur la chaîne Antenne 2. Et il n'y a pas eu de seconde saison à cause du succès plus important de cette version. Succès dû notamment au fait que la version canadienne n'était pas autorisée à être diffusée aux États-Unis pour ne pas concurrencer la série américaine. Pour cette raison, le tournage des Robinson suisses canadien a été interrompu et ne comporte pas d'épisode final. Voilà, bah comme d'habitude, hein, la petite guerre États-Unis Uberalus. On avait deux séries qui étaient sur le même thème. Bon, on sait que maintenant, ça se fait beaucoup. C'est des thèmes à la mode. Par exemple, on va faire un Robin des Bois. Pof, on a le droit à deux, trois Robin des Bois qui vont sortir des péplums, enfin, des westerns. Ça dépend de la mode. Bah, déjà à l'époque, pour les séries, on se battait pour avoir la version. Puis en plus, bah, comme c'était surtout avec les versions québécoises. D'ailleurs, ce qui est assez marrant... On va aller faire une party. Je le soulignais tout à l'heure. Je me souviens, la petite Marie qui avait vraiment un accent vraiment québécois. Donc, ça fait un petit peu charme aussi, puisque que ce soit l'accent suisse ou l'accent québécois, c'est des accents qui... où le français est parlé comme l'ancien français. Et donc, c'est assez marrant. Bon, c'est sûr qu'une émission entièrement avec des textes de nos jours, c'est beaucoup plus difficile puisqu'il y a beaucoup plus de termes, disons bien québécois, alors que là, bon, les textes étaient quand même compréhensibles par un public jeune ou moins jeune. Eh bien, je crois que tu nous as trouvé un extrait de cette série. La lecture du sextant se fait au soleil de midi en général. On fait le point ensuite en consultant les tables de l'almanach antique et en effectuant quelques calculs de mathématiques simples. Alors, au cours de la dernière leçon, je vous ai indiqué les tables à consulter et les calculs à effectuer. Avant de vous servir du sextant, voyons ce que vous avez trouvé. Ernest. Je n'en ai pas eu le temps. Tu n'as pas du tout travaillé là-dessus ? Du tout. Franz. J'ai pas eu le temps d'y travailler non plus. J'ai dû aider Ernest. Je vois. Marie, veux-tu prêter attention, je te prie. Le plus et les originalités de la série, bien j'ai mis une série familiale d'aventures plaisantes avec des acteurs formant une famille crédible, tout public. Voilà, c'est surtout le côté tout public. À une époque où on faisait des émissions pour les jeunes qui étaient pas abêtissantes, non plus trop un petit peu... comme la petite maison dans la prairie qui était un petit peu trop moralisatrice. Là, il y a des bons sentiments, mais il y a quand même la vie d'une famille avec ces engueulades entre frangins, les ados. C'est aussi toute une époque, hein, les relations avec les parents, avec les ados. Même si ça se passe dans un passé, là, on voit vraiment toutes les relations qu'il peut y avoir dans une famille, la jalousie, comment réagissent les gens dans des conditions extrêmes. Bon, là, même si c'est un petit peu, embelli, parce que je pense qu'il suffit de regarder Seul au monde avec Tom Hanks, on comprend d'être sur une île. Bon, l'avantage, ils sont à plusieurs, donc c'est quand même beaucoup plus sympa. Et puis, j'ai mis pour cette série, contrairement à la série américaine, eh bien, dans la série américaine, ils sont beaux les Américains, mais on fait tout en studio. Alors que la première série, il y avait, comme je l'ai signalé tout à l'heure, des scènes qui se passaient dans la véritable nature, en Jamaïque, la plage d'ailleurs. Et puis, ça donnait un charme beaucoup plus intéressant que du studio. Parce que si on regarde bien la version américaine que j'ai vue, eh bien, on voit c'est un vraiment... peu plus plat. Voilà, c'est plus plat. On voit que c'est plus propre aussi. La nature, elle est comme elle est. On met pas des plantes rectilignes ou voilà. Donc on peut faire cette comparaison à l'avantage de la série canadienne. Déjà, c'était la première. Et puis de voir que y avait un effort qui avait été fait pour le téléspectateur. Alors les moins de la série, j'ai mis des épisodes, on l'a parlé tout à l'heure, ne respectant pas toujours le roman original. Donc si on a lu le roman, ou même si on est un petit peu observateur, comme on en disait tout à l'heure, on voit que il y avait des petites incohérences. Bon, ça va pas nuire totalement à la série, mais quand même, c'est des attentions que maintenant on essaye dans les séries de corriger et d'être quand même assez fidèle à la chronologie. Bon, il y a toujours des pains. Maintenant carrément, je prends par exemple des séries comme The Walking Dead ou Game of Thrones, où carrément c'est même plus, on suit même plus le roman original, on va aller appeler des showrunners pour écrire la chose. Bon, là il y a quand même un respect de l'œuvre, si ce n'est que ces petites anecdotes. Et puis une série qui a vieilli un peu, on voit que ça date tout à fait des années 70, mais comme je dis toujours, c'est très intéressant de voir comment étaient traitées les séries. Il y a eu une évolution des mœurs, une évolution des technologies, mais c'est toujours bien de... C'est comme en histoire, l'histoire pour moi c'est chronologique, c'est pas les bêtises qu'on nous apprend à passer de la Révolution française avec les péplums, avec l'Égypte ou l'Antiquité, puis la préhistoire. Non, l'histoire, elle se fait, c'est quelque chose de linéaire qui se reproduit de temps en temps par cause et effet. Et pour moi, c'est important de suivre les séries et de comprendre qu'une série de telle époque est faite avec les éléments de cette époque. Donc, je vous encourage à aller regarder de temps en temps des séries anciennes et voir des remakes. Et des fois, on voit que l'original, a amélioré, mais des fois, c'est l'inverse. Le remake est mieux fait, mais c'est pas toujours le cas. Donc, n'hésitez pas, par curiosité, d'aller voir d'autres séries un petit peu plus anciennes. Ce que je fais d'ailleurs régulièrement, vu mon grand âge avancé. je sais pas, Vincent, si toi, tu avais vu ces séries ou ça t'a donné envie d'aller faire un petit tour pour le... Je suis curieux, effectivement, de revoir des séries des années 70, parce qu'autrement, c'est une série dont j'avais jamais entendu parler. Même au niveau du bouquin, effectivement, le Robinson Crusoe, tout le monde connaît, mais le Robinson Crusoe suisse, le Robinson suisse, du moins, jamais entendu parler. Voilà, donc, Puis je pense à une époque où on essayait de chercher des nouvelles séries pour le jeune public. C'est ce genre de série qui peut être sympathique. Si vous avez aimé, j'ai mis Les Robinson des mers du Sud, le film de Disney de 1960. Très fortement inspiré. Ce sont les Américains beaucoup pompés de la série et du roman. Et puis, il y a le concurrent, The Swiss Family Robinson, la série de TV de 75 dont on a parlé. Et à noter comme anecdote que l'épisode pilote de 2 heures a été diffusé pour la première fois en même temps, donc le 15 avril 75. Et lui, basé sur le roman de 1812, Le Robinson Suisse, l'épisode pilote est suivi de 20 épisodes qui ont été produits par Irvin Allen, qui est quelqu'un qui est un producteur qu'on a pu voir dans de nombreuses productions américaines, qui avait auparavant produit une adaptation futuriste dont on a parlé tout à l'heure dans la musique. C'est Lost in Space, perdu dans l'espace. Et on a le droit à un film et une série télé beaucoup plus récente. Donc, en effet, c'est une série de science-fiction et on reprend les mêmes ingrédients, sauf que là, bah, ils se retrouvent perdus dans l'espace et à visiter des planètes avec leur vaisseau, alors que dans la série, c'est une île, mais bon, c'est la même chose avec une famille plus ou moins composée d'éléments différents. Et on suit des aventures. C'est la seule comparaison qu'on pourrait faire avec les Robinsons suisses, parce que la Suisse est très, très, très, très loin, comme on pourrait dire. Ensuite, eh bien, un classique des séries télé, 2 ans de vacances, une série télé inspirée du roman de Jules Verne, où on suit une bande de jeunes néo-zélandais qui se retrouvent un peu naufragés, involontaires sur une île. Donc, une très bonne série que je vous conseille aussi. L'île au trésor et ses différentes versions, donc en série ou en film. Ensuite, The Lost Island. Alors, une série qui était assez sympathique, où des naufragés de notre époque se retrouvent sur une île avec des espèces de quackers, des espèces de ZZ Top, on pourrait dire, des barbus avec un langage vraiment d'une époque. Par exemple, je me souviens, c'est toujours une des répliques, c'était « que nenni », voilà, le genre de choses comme ça. Donc, cette différence de vocabulaire entre des jeunes, disons, du 20e siècle qui se retrouvent avec des gens du 16e, donc c'est assez sympa, avec une intrigue. C'était assez sympathique comme série, hein, dans mes souvenirs. Et puis, un dessin animé, Flo et les Robinsons suisses. Donc, voilà. Et puis après, ben, y a plein d'autres adaptations avec des bandes de jeunes, on pourrait dire, qui vont se promener et qui se retrouvent des naufragés volontaires. On a parlé de Seul au monde tout à l'heure avec Tom Hanks. Voilà, vous cherchez, il y a plein de naufragés qui se baladent, et puis des histoires de pirates en général mêlées, et voilà. Notre coup de cœur, eh bien, c'est une autre série, une vieille série des années 70, qui s'appelle « Au pays des géants ». On en a parlé aussi dans la musique tout à l'heure. « Land of Giants », une série télévisée américaine en 51 épisodes de 48 minutes, créée par Irwin Allen. Et diffusé en 1968. Alors, lors d'un vol suborbital entre New York et Londres, 3 membres d'équipage, 4 passagers et un chien vont être projetés sur une planète semblable à la Terre, à la différence qu'elle est peuplée d'humains et d'animaux 12 fois plus grands qu'eux. Tandis qu'ils tentent de réparer leur vaisseau endommagé afin de regagner la Terre, ils doivent faire face à la menace permanente que représentent les habitants de cette planète et... Petit truc rigolo, l'histoire donc est censée se passer en 1983. Donc on se marre maintenant parce que vu que 1983 pour nous c'est très loin maintenant, mais le futur de 1983. Voilà, ça rappelle un petit peu tous ces films où on donnait des dates Apocalypse 2024 ou des choses comme ça. Bah voilà. On attend toujours les voitures volantes de Blade Runner. Voilà, donc bah, 2019, tout ça. Voilà, donc on voit la science-fiction comment on imaginait que ça aurait pu être, et puis finalement bah il y a beaucoup de choses qui... C'est pas... Tout le monde n'est pas Jules Verne. j'ai mis quelques petites anecdotes qui sont assez sympathiques puisque c'est une série assez ancienne. Donc, on va parler un petit peu, pour une fois, mais ce n'est pas coutume, de quelques anecdotes. Donc, à ses débuts, il s'agissait de l'émission la plus chère jamais produite à la télévision. Les accessoires utilisés dans cette émission, tels que les ordinateurs et les armes à feu... ont également été utilisés dans « Perdu dans l'espace », la série de 1965, dans « Au cœur du temps » de 66, dont on avait parlé ici, « The Time Tunnel », et « Voyage au fond des mers » de 64, et « Le Batman » de 66. Donc vous voyez, à l'époque, bah, même producteur, même studio, ont réutilisé. Alors ce qui est marrant, c'est de voir les ordinateurs tels qu'on les concevait à l'époque. Hein, c'est des murs avec plein de clignotants, plein de lumières. Mais bon, ça a son charme, comme on disait tout à l'heure. Bien qu'il s'agisse censément d'une autre planète, les plaques d'immatriculation visibles sur les voitures et les camions de la série indiquent clairement qu'ils ont été fabriqués par Chrysler Corporation. Le constructeur automobile avait un contrat avec le studio de la série à cette époque. Eh oui, déjà, money. Tout au long des représentations, les acteurs et actrices ont réalisé leurs propres cascades et les doublures n'ont été utilisées que rarement, sauf en cas d'absolue nécessité. Hein, il y avait déjà des Tom Cruise et des Belmondo à l'époque. Mais vraisemblablement, peut-être pas le choix du coup. Les sièges de cabine utilisés dans Spindrift sont du même modèle que ceux utilisés dans la cabine du vaisseau spatial vu dans La planète des singes de 68, également en production avec la 20th Century Fox durant l'été 67. Vous voyez, hein, et toujours Irvin Van Cleer qui est derrière, Irvin Allen, excusez-moi, toujours présent derrière. Par contre, je constate qu'au niveau de la réutilisation de décors, ils étaient vachement plus écolo que maintenant. Oui, déjà à l'époque. Mais enfin, je pense que c'était surtout pour des questions financières. On va dire que c'est écologique. Parce qu'à cette époque-là, les années 60, il y avait le mouvement hippie qui allait arriver, mais avant, l'écologie, c'était pas trop leur problème. Pas du tout, même. Puis c'est toujours pas leur problème. Hein. Quand on voit ce qui se passe avec les États-Unis ou la Chine, on peut se dire, voilà, la France peut continuer à ramer. Je pense que tu m'as trouvé le générique de cette série. Eh bien, après ce petit retour vers le passé, j'espère que ça vous aura plu et donné envie, justement, ce qu'on essaye avec Vincent, de vous inciter à revoir ces vieilles séries, d'aller fouiller par vous-même. Hein, c'est comme dans Cinéphage, on l'évoque souvent, allez par vous-même fouiller, ayez cette curiosité, ne soyez pas que des consommateurs qu'on gave de produits, allez de vous-même chercher des pépites du petit écran et vous verrez, vous serez pas déçus parce que de temps en temps, ça a vieilli un petit peu, il y a pas les effets spéciaux numériques qu'on attend, mais les idées, des fois les scénarios sont beaucoup plus travaillés, le jeu d'acteur est plus fouillé aussi parce qu'à l'époque, on pouvait pas se permettre de déjà pour des raisons financières de rater des prises ou de faire 50 000 prises, donc c'est toujours intéressant. Et puis aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une image à l'instant T d'une société et ça c'est très important. Eh bien, on se retrouve dans deux semaines. Ou la semaine prochaine, on ne sait pas, on verra, en fonction de l'actualité de Cinéphage et de Cérivore. Donc on vous dit à bientôt pour un nouveau Cérivore. Et en attendant, comme je vous le disais tout à l'heure, continuez à découvrir ou redécouvrir les pépites du petit écran. Bye bye. À bientôt. Nous vous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil jusqu'à la prochaine émission. Série. Maintenant, choisissez votre camp. Devenir un céréal lover ou un céréal eaters.